cœur sous un charme a rompu le charme et rendu les armes au combat des larmes. Mon cœur sous un tremble ne marche plus l'amble dans un corps qui semble un roseau qui tremble. Comme je me souviens quand je t'ai dit viens, monté dans un chêne, je brisais mes chaînes. Je pouvais tout faire alors, j'étais fier que je me rappelle comme tu étais belle. Comme tu étais belle. Mon cœur sous un saule, plus qu'un empereur, vaincu sans boussole, à ses chants d'horreur. De chagrin noyé, sous un grand noyer, pleure et se déverse en grandes averses. Comme je vois encore ton si joli corps, derrière les cyprès, m'aimant de si près. Et de tout ton être, à l'ombre d'un être, que je me souvienne comme tu étais mienne. Comme tu étais mienne. Comme tu étais mienne. Mon cœur sous un charme a rompu le charme, mon cœur sous un tremble à tout instant tremble. Mon cœur sous un saule pleure sur le sol, sous un grand noyer, mon cœur s'est noyé. Mon cœur s'est noyé. Mon cœur s'est noyé. Mon cœur s'est noyé. Mon cœur s'est noyé. Mon cœur s'est noyé.